La fusée tourne autour de la lune, et la lune tourne autour de la terre, et la terre tourne autour du soleil, le soleil tourne autour des étoiles tournent autour de ma tête.